sonje ou konem ki nou mweye ou sa fou nan vide ou kon lèm kampe lèm chita ou konem ou sa ka pase na tèt mwen pou konem nou vi bouch mwen ou konem ou sa mwen vadi Mwen te met ap mache, met kouche Ou wèm ou kon tout sa ma fè Tout kote mwen vire Ou toujou bo kote Depi nan vant maman Ou te deja kon tout zot nan kom Depi a vant te fèt Bam, tout protection A tout pouvoir ou gagne Toute la vie m'te déjà dérangé A tout pouvoir ou gagne toute la vie.